100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Non sans, c'est Bustaflex dans la nocturne et après on attaque les classiques. Classique de Bustaflex avec Zoxy pour enchaîner. Et après, surprise, balancez vos messages 41759 avec le hashtag la nocturne. Soyez prêts. Petit, soit t'es fou, soit tu l'es pas. Soit tu shoots, soit tu décales. C'est synchro, n'est-ce pas? Je suis en bécane, toi en baisse pas. Respire, laisse-moi marquer ton corps et ton esprit. L'espoir, je le noie en même temps que ton père crusty. Ouais, je busta. Ils se demandent encore qui sont les restas. C'est nous la famille, un de ce n'est pas un testard. Je tire dans le mille, crocalibre, car je suis dans ta ville. Mon sens est Bustaflex, plus lourd que ta team. Deux, je viens t'harceler, ton rap vient pour l'assommer. Je suis hostile, je suis postile, quand je dis que l'horreur a sonné, crois-toi, trois frères, si je mens, je t'enterre. Je prends en l'air, j'ai pas d'armes, pourtant je tire comme un malade. Malade, ton peur n'est qu'une balade. Malade, flex, t'as vu, non s'en tire dans le mille. Flex, t'as vu, non s'en tire dans le mille. Flex, t'as vu, non s'en tire dans le mille. Malade, flex, t'as vu, non s'en tire dans le mille. Casal. Isaac, meuf à mon bras, je te vois pas Renoir. Fonce dès, je suis dans un coin. Désolé, je te remets pas Renoir. Garde la pêche, boîte d'eau fraîche. T'es à l'ouest et t'es pas cagné. Doucement, je suis accompagné, je vois personne. Gilbert Montagnier, je suis en 2014, t'es en 9-4, 20 ans nous séparent, je tape des barres. La rue t'a baisé, le rap t'a baisé. Entre la meuf et toi, y'a v'là les cas. Je marche dans la rue, les meufs me cifrent. Tu marches dans la rue, les keufs te cifrent. Tu pues la loose et ça c'est pas fun. Suis mon ombre tant qu'il y a du seul. Un scoop, une rumeur du bas de gamme. Facebook, Twitter, Instagram, toujours à l'affût. Et ne tu m'as vu, rue, avenue, banlieue de Paname. Et ne je me tape des bars. Quand tu la ramènes, tu t'y connais en peur et en armes. Pitié, missier, pitié, c'est ce que tu diras quand tu finiras le bruit en larmes. Moi en l'air, j'ai pas d'armes, pourtant je tire comme un malade. Malade, ton peur n'est qu'une balade. Malade. Flex, t'as vu, non s'en tire dans le mille. Flex, t'as vu, non s'en tire dans le mille. Flex, t'as vu, non s'en tire dans le mille. Malade. Flex, t'as vu, non s'en tire dans le mille. Les armes, j'ai le maniement, car de savoir je m'alimente. Les absents ont toujours tort, mais les morts ils manquent. Dire les gens c'est comme les on dit, c'est pour ceux qui mentent. Esclaves sont les Yankees, demandent à ceux qui vendent. Le jour de l'huissier c'est le lundi, celui de leur seigneur dimanche. On écoute toujours les grands hommes, mais Dieu est immense. Je l'ai déjà fait alors que toi tu penses. Fuck les économies, moi je veux vivre dans les dépenses. Mon rap est vieux, sale et bâtard comme ODB. T'as pas capté, t'es en 56 qu'à moi en haut débit. Dans ce monde, la vérité est discrète. Les menteurs ont des disques durs et n'ont pas des disquettes. Moi en l'air, j'ai pas d'armes, pourtant je tire comme un malade. Malade, ton peur n'est qu'une balade. Malade. Flex, t'as vu, non s'en tire dans le mille. Flex, t'as vu, non s'en tire dans le mille. Flex, t'as vu, non s'en tire dans le mille. Malade. Flex, t'as vu, non s'en tire dans le mille. Planète rap, 100% rap français. Ouais, from a people. Ha. Ouais. Ouais. Dans le hip-hop faut tout donner, ouais. Ça c'est la bonne philosophie. Des rimes j'en ai des tonnes, y'en donne au moins deux kilos. Au pis j'suis dans I'm the man, pas examen. Chaque semaine j'me démène pour que mes rimes rentrent dans ton abdomen. Sauf ce gars domine le rap comme il peut, ouais. Et quand il pleut, la merde vient plus à mieux qu'un petit peu. Pour l'équipe, ouais. Question d'éthique, évite de parler au bouffon qui répond trop vite aux questions d'éthique. Et bien sûr si tu veux la guerre, gars, tu auras la plus grande, ouais. Genre celle qui se passe dans une gare quand tout le monde dort vu qu'on est amnésique. Encore j'aime pas les zig plates, préfère les big fat. L'équipe comme les petits chats, j'ai mille packs sur son enfant les ch'tic black. Son tic tac, boum, avec ma NTM 10 bébé c'est ça. C'est la bombe, oh. Bébé. Sweet, dangereux, fais tomber les têtes comme un chou de mangeur. Vieux ox, nouvel an de grande vengeur. Et tous ceux qui dureront le contraire sont dingues. Plus dingue qu'un conte qui vient en cité sans son flingue. Soudain mon sort, tourne le dos à un extra-là. Qui avait fait projet pour 2, 3, 4, 5, voire 16 dollars. À l'époque, allez smoke ta beuh, ouais. Déballez smoke là ya. Et si on a plus smoke kaya. Ma gueule, qu'un faux pour les rendre fous comme un saint. Maintenant tu sais que dans le rap j'ai 5 dames. Dans mon lit parfois 5 dames. Mon type à moi ce serait vers 55 pas mal, 275 clips, ah ouais. Normal j'suis dingue type, différent comme Manu des Unmedi, ouais. J'en place une pour mon cousin de l'Est en Freddy, j'ai dit au monde j'arrive, mais le monde m'a pas cru, ah. Pourtant je lui ai prouvé que comme l'Australopithèque et Christian si je mange pas cru, ah. À plusieurs reprises, champion en emporteur, je deviens le pire traumatiseur de sœurs, quand je dis du mot ZOZ, en l'honneur n'est pas ZOZ, envoie des mots aux EZ, avant de les exploser comme au gozo EZ, ne pas allez-y, en passant par 5 1 2 n'hésitez pas grâce à Rézy. Tu kiffes pas magique, magique. Je veux disparaître les traits comme Gartiment. Parce que j'ai jamais eu le garci mec. Pourtant j'ai style bâtard qui m'aurait gâti, je meurs. Promets-moi de toujours pire le flambeau, ouais. Comme Rambo, ils sont du point que le trombeau. On veut le roro, cool le chef, le spa et zozo. Format people, on vient pour contrôler le réseau, ouais. Le format qu'ils veulent, on l'a, ouais, on l'a. Et maintenant dans leurs oreilles on va squatter, tout éclater car on veut le roro. Cool le chef, le spa et zozo. Format people, on vient pour contrôler le réseau, ouais. Le format qu'ils veulent, on l'a, ouais, on l'a. Maintenant dans leurs oreilles on va squatter, tout éclater. Alors maintenant c'est un peu qu'est-ce que t'en dis là, tu peux faire mieux ou quoi? T'inquiète mec, t'inquiète, je sais que c'est à mon tour de crier là. Premier couplet, t'es différent. Vas-y. Écoute comment je pose ça. Vas-y, je pose. Je pose le B. B comme brutal, sur un beat battant. B comme beat de boule, big rappeur de rimo de gamme. B comme badolo, black flambeur, black flambeur. Brisqueur, brisqueur, banlieuneur, 9-3 pour te satisfaire. Pose le U, U comme unique en son genre, universel, unique comme méga. Unité dans le rap, tu rêves ou quoi? U comme usual, suspect, usine à rime refait. U comme unanimité dans le rap depuis 9-5, et tu le sais. Je pose le S, S comme sadique, schizo. S comme chaîne, saisisseur de mic au faux MC. S comme Sandy, Sensen style. S comme Superflex, quand je sors le latex. IPP, garde tes mouilles ton index. Sponge le D, T comme terreur, technicien. T comme t'arrêter, tu t'étors de téton. T'as peur de terrain, tonton. Tacticien, t'es comme, c'est toi que je parle. T'es comme joueur de ta pute, explose comme la TNT. T'es pour t'escater. Sponge le A, A comme artiste, animal. Aventurier d'un hip-hop perdu. A comme agile, habile, assidu. Dans le taf, passe une taf. J'attaque, j'assure, j'accélère. A comme actual force, A comme authentique. Laisse-nous rouler notre boss, moi et Zozo. Quand je cause jeune, ils disent qu'on se pose. Si bien que Neuchet et Jojo, ça flatte, c'est sûr. Alors mes blés sur la table, bust à flex, oxy, forme à people, rien d'insurmontable. On veut le roro, cool le chef, bust à Zozo. Forme à people, on vient pour contrôler le réseau. Le format qu'ils veulent, on l'a, ouais, on l'a. Et maintenant dans leurs oreilles, on va squatter, tout éclater car on veut le roro. Cool le chef, bust à Zozo. Forme à people, on vient pour contrôler le réseau. Le format qu'ils veulent, on l'a, ouais, on l'a. Et maintenant dans leurs oreilles, on va squatter, tout éclaté. On veut le roro, cool le chef, le style zozo. Format people, on vient pour contrôler le réseau. Le format qu'ils veulent, on l'a, ouais, on l'a. Et maintenant dans leurs oreilles, on va squatter, tout éclaté. Car on veut le roro, cool le chef, le style zozo. Format people, on vient pour contrôler le réseau. Le format qu'ils veulent, on l'a, ouais, on l'a. Et maintenant dans leurs oreilles, on va squatter, tout éclaté. Ah, les zozo, j'espère que tout éclaté là ou quoi? Alors, éclaté mec, j'avoue, c'est du bon ça. C'est du bon ça. I just found my beats. Zozo man, the Scorpio pick on for truth. They play with ya. I found my people. Yeah, to find my people. Get ready, prepare for war. New worldwide music for a new world order. A smash hit doesn't mean you gonna cash shit. Fucking with fake labels. Get ready, prepare. Ready, prepare for war. No coincidence. You think it's sweet cause we make beats. Planète Rap 100% rap français. Ambiance scandale.

bangé. Comme dans l'enquête, sans zigzaguer. Vous aguez, des bons et bien gays. Je suis délégué du shit, toi d'amigo bingo. Si tu tiens jusqu'à la fin du gong, nous sommes tous des James Bond. Shit tous les ongles, skunk comme pompe. Ça laisse KO, comme une coupe de fusil à pompe. Et direct en phare. Ratman et Batman, ami de boss. Toi, les Mariana, Marie-Jeanne. Luciano, réaliste, on veut. Si tu veux. Fume-toi la vie mon vieux, un peu de Marseillaise si tu perds les cheveux. Shit squad, tonton et ses neveux pour les nerveux. Bienvenue dans un shit morveux. J'échange mes tics seulement contre une femme, j'ting des fertiti. Fais fumer la FF, tonton j'ai fini. J'ai pris ton pack et ta femme avec toi, marijuana. Bien roulé que tu t'es entre tes doigts. Ouais, l'atmosphère sans fume, fume le shit, toi des pas de fume sur ça. La bomba c'est ça te dit, quand je togo de Maxi comme si. Une armada de fumeurs de ganja se dispute le contrat. Hey Batty Boy, tu veux rouler avec le squad. Ce n'est pas un fan club de ease, mais un putain de shit squad. Roulé entre deux feuilles de riz à quoi. Original bad boy pour le street speed. T'as de fait en soirée avec les DJ, fait tourner. Tu veux toucher nos vases, vas-y mille. Puis je t'assure c'est de la bombe, elle monte comme des bambous. Le shit squad tient le bon bout, toujours dans les bons coups. En tout cas, on s'adonne pas à la para. Ici bas on décompresse comme on peut. La THC nous conduit droit au 7ème cieux. Yo, faites ton joint de canard, à l'écoute des canailles. Tout ça dream pour te défoncer comme la poudre à taille. Je suis dans un studio, dans un coffee shop, ambiance hip-hop, avoir les yeux de mes potes. Pour eux je finis en freestyle, je lâche un fond qui taille. FF, tous mon ghetto, oh shit. Ghetto, oh shit. Ganja, il y a chez toi, gringo. Elle sautera au nom du père, du fils et du sentenza. Amen. Tu serais sec si tu n'es pas chaud. Prépare un bon space gazpacho pour tous les sales muchachos de ma clique. Le squad des squads rascal. Tonton Pedro Pascal, tu prendras bien un spatial. Verre de mezcal ou un poquito. Débarque avec un kilo pour les mythos. Lâchez, donnez-moi avec cabroncito. In situ, bragu, gagou, chez vous y'a plus de sous. Attention le ladre, prépare un mauvais coup. Un arse, un truc de merde, non qu'à nada. Tu connais Sentenza qui donc fait péter la banque. Lâche un choc, lâche ton bloc, voilà les troupes de choc. Le shit squad de retour pour un smoke. Tour un fait de stock, lourd plat du jour, space. Calumé, mais chalumé, à force de rembrumer. FF, fait fumer, à fond des fossés à la fancy. C'est ça qui m'excite, Don Joa, Hannibal Smith. Agence du shit, l'arrivage de choix. Ici on est à Marseille, mon frère. Ce titre, roi du container, le produit qui te met à l'enfer. L'air les jouets, mes péchés, la douane volante. Fume des mixtures à base de boulettes brûlantes, herbe collante. Production Tonton Pedro, le gros bonnet, tu connais les faits. Je roule avec le shit, quoi de ces voix de fait, bébé. Pas faire rage, fils, tu fumes pas. Pedro dans tes plaies, fume et cigarette, tabac. Là je suis bien mec, du coup tu fumes pour moi. Cirque Lindo, Dice, Kung, c'est ce qu'il faut moi. Eh, hey, connard, j'ai pas à te dire ce qu'il faut faire pour entrer dans la partie. Fils, tu m'as bien compris, tu crois qu'il y a des vapeurs. Représente l'odeur. Pour mes symptômes qui font sur moi speed et leur suite d'humeur. On pourrait croire que j'intègre le squad quand je compte mes histoires de fantasy à la Stormbringer. Ce que j'ai dit, fils, ça veut rien dire, mais sous l'emprise du shit, le squad c'est un hit. Smoke a lot of trees. Get down, oh shit. Oh, la gravité a frappé. Get down, oh shit. Make, make, make a little pack of pastas. Smoke a lot of trees. Get down, oh shit. Yeah, je suis défoncé. Pas de bambou. Pour ce dia du nouveau fils, le squad refait sa face. Noyé dans la masse avec ses photos. Du micro, des mégots, amigo. Des parents, il en faut pour subvenir à nos besoins. Du matin au soir plein, on a privé comme du bon vin. Le bon René, en fait, vilain, venu qu'il entre business. Que la guille, la baisse, du diffuse, du sida, tu frappes. Comme un grillage à Chine, frappé après un joint, du charas. Côté tes oreilles devant tes braves, tu rêves pas gringo. L'XMS est devenu l'impasse sans cesse. Représente notre emblème, la PPS. Femme, tu râles. La princesse pour l'honneur des groupes rebelles pour la fumette et les belles. T'as dit ma magie sur le mic, ça c'est haki. Fais tourner l'air cosmique pour que la famille mette la panique. Un bon de con avec tous les wachocho et c'est parti pour le show. FF freestyle pour représenter avec un joint ganja. Tu ne peux pas lutter, fume, fume, fume avant que la vie te fume. Aujourd'hui j'assume avec le G-Squad, Kiki Production, association bangée. Pour des fins de soirée, t'es fatigué. J'ai moisi guélé, pour tous les frères avec qui j'ai catiné des bambous. Du 7h au café Julien, les neveux ne craignent. Accroché sur la locale comme des morts de fer. Changa m'attend demain, ouais. Tu reconnais la voix

pleure mes larmes comme Kelly Joyce. Ça, ça te concerne pas, donc là tout de suite est à ton poste. Ceux qui ont compris que la vie est ce que t'en fais jusqu'à ta mort. La vie ce n'est pas un film, dans ton quartier serait le décor. Pour ceux qui ont bien connu et côtoyé l'inoubliable, ça fait partie de notre passé, de ces choses ineffaçables. Subit très tôt, on a accusé de mecs à part sur le bitume. De par leur attitude, ça c'est de la part de Jibitume. Pour ceux qui s'y payent un loyer, mon bled disent d'être propriétaire. Je vais pas passer ma vie à jouer le sparring partner. Le sommet aussi celle qu'on le somme sur SSL. Pour ceux qui veulent des parts, en plus des barres à l'assassin. Pour les classes sociaux qui te font peur, qui font le beurre. Toujours à l'heure exacte, quand les transats finis sur un transat. Un Pattaya, produit ça, compte toujours la barre. Qui passe à la barre, pour l'anglaise, la taille. Seul là-bas, pour les croyants, les vaillants, qu'on peut culture immature. Les gorilles au couscous, au bout de ceinture. À la place ouvrière, les darons et boueurs. Darons qui savent, font les travaux sanitaires dans la douleur. Pour les pucelles, celles qui puent pas de la chatte des aisselles. Prennent soin d'elles, pour la cuisine, la vaisselle, qu'on fait le mariage fidèle. Et yo, pour les pilotes de voitures puissantes, routinant. Les poteaux qui roulent en chaise roulant. C'est pour les mecs qui sont pressés hier, quand il fait chaud, qui squattent les bars, les billards, des banlieues par où. Pas pour les personnes de coffre. Ceux qui vont être à ton box, c'est qu'on entre avec un douce coffret. Pour ceux qui sortent vos gosses. Photo, sous le soleil en été, qu'elle est en main dans le ghetto. Hiver comme été, ensuite la suite. Mec ensuite poursuite, délit fuite, même sous cuite. Pour ceux qui foncent, défoncer le son dans les oreilles. Et baisse la PS2 toute la nuit pour trouver le sommeil. Pour ceux qui foutent des KO, parce qu'on va aux tarots. Des tarés, on se parait pour cargo. Pour ceux qui ont les bagages prêts à partir, soit pour embarquer ou sortir du sas avec la tirelire. Ceux qui font tout pour pas se faire alpaguer. Les dingues, ceux qui accélèrent les morts du désarme, castigue leur fly. Ou ceux qui aiment les virer by night quand tu nous croises. Au volant, celui qui bombarde, c'est Mika et Night. Ceux qui ont pas internet, mat les faits divers de leurs fenêtres. Les mecs pas trop nets, à qui on met les gourmettes qui baissent le patronat. 24 sur 7 envers nous, l'État a des dettes. À tous ceux qui chantent nos hymnes, t'as le chant libre. Et tous ceux comme pseudonyme et qui sentent libre. Eh, hey, laissez passer ma dream team. On se retrouve au mic, c'est peut-être les moments les plus intimes. Fini la routine, y'en a marre d'être les victimes. Parce que l'amour nous a déjà rayé comme le maillot de l'Argentine. Mourad c'est le capitaine, c'est lui qui porte le brassard. On est là pour faire vibrer les ghettos comme Boissard. Pour les plus durs, pour les plus tendres. Pour ceux qui aiment les gangbangs et se faire masser comme en Thaïlande. C'est un bon plan, vas-y mec. Pour ceux qui ont jamais lâché le grec, mon grec. Hey, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire. C'est pour le meilleur et pour le pire. Pour ceux qui ont le logo capri, brodé sans le cuir. Pour les cafés, pour tous ceux qui ont acheté des points sur les i. C'est pour ceux qui sont partis, c'est pour MC et la I. C'est pour les pilotes, ceux qui tapent pour leurs potes. Ceux qui cherchent le jackpot, ceux qui dans la rue. C'est pour les tous, pour les taux, pour les mettre à corps. Pour tous ceux qui mangent pas corps, pour tous ceux qui vont dehors. Ça c'est pour les mecs qui plaisantent pas. Vous parlez pour le pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui tape, même quand les pleuvoirs ça marchait dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, faut bien quelqu'un. Pour les calouches, les halouches, les manouches en galouche. Pour même pas sa galoche. Les classes sociaux qui font des creux sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les toilettes, les pirates du bitume. Donc les types sans compter, qui boitent pas la frère. Avec un aigle, pas en bruit, toujours veux voler en bruit. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui tape, même quand les pleuvoirs ça marchait dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, mafia quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches en carlouche. Parfois même quand ça caloche. Pour les casseaux qui font des fautes sur les murs, qu'ont des lacunes. Pour les toilettes, les pirates du bitume. Pour les chicots sur le côté, qui boivent pas la spray. Avec un nez qui se bat en couille, toujours devant veiller en grouille. La nocturne. C'est ça, gars. Malical morti. C'est mignon. C'est ça, gars. Et yo, regarde le ciel. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je crois que c'est l'éclat d'Alien ou parfum d'IA. Ginette, rapide, tu les glaces. Pour du paix. Tu pécaras ma vie. Pour tu es paix. Puant, du shit gluant. Du chimie truant. Sur les jeunes truants, fuyant. Tu portes l'arme vraiment. Tu vas tous taper marathon avec la PJ. Quand je tape mon baratel, je suis pas féri. Mais avant je passe, j'ai le Siri. Prime squad, pêche en flash, nous ski. Et roule un bourgeois en tenant les murs. Arrosé de pisse, que je gratte comme une ordure. Tu vois, d'être sûr. J'ai devenu l'escroc, que les juifs analysent, mais porteur de trop col, placeur de voiture banalisé. Il faut que ça change un jour ou l'autre. Faut que je mange, il faut que je me range comme les autres. Ceux qui taffent à max à l'école, ceux qui relaxent et vite d'être gogol. Les bulles et les cœurs décollent, mais je picole et fume en cours. Rigole, contrôle, le stock dans la cour. Donc demain, sur quête, sors la hiop, tu me la moquette. Écoute sa conquête, on m'a balance des roquettes. Quête, quête, quand tu planes comme de Starquette. Et si tu vois Mouscotte, vole-le dans le supermarket. Andec, là, le supermarket. Tec, tec, lycéen comme sur la mec. Le genre de mec, rêveur de roulouge à la mec. Mais je suis mauvais quand tu sais, tu picoles et fumes sec. Donc tu me sec, les vaccins pour les boys bad et old crack. Des balades, saga. Des voitures banalisées, celles qui viennent analyser l'alias que j'ai réalisé. Saga. Comme je vis toujours la même chose, je cracherai toujours des flammes au mic, le bitume morose. Et les grosses tours m'enferment dans ma zac, les braquages abondent. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fonde? On est seul au monde, contre cette race immonde. Généralise parce que vous le faites et je me fous de vous offenser. La traite des nègres est gravée à jamais dans mes pensées. C'est pas que je suis rancunier, mais ne me dis pas que j'ai tort. Après avoir rangé les négriers, lâche les forces, c'est fort. Vouloir nous détruire ainsi, alors que certains sont morts, attiraillés à mort. Pourtant la France, elle est droit dans le décor, maintenant que les tricolores sont blindés. Ils veulent évacuer, soi-disant c'est les immigrés. Putain, mais quelle voix s'enculer. J'en ai marre de ces branleurs qui vivent dans ce taudis là. Ils détruisent la ville, polluent la rue, mais qu'ils soient maudits, on nous la mise dans le cul. Et à leurs yeux, on est une existence à plus le focus. À la mairie et même chez l'assistante, d'autant qu'à faire, on tente de tout détruire. Sur le passage des braquages de box, pour aboutir à nos mirages, y'a trop la rage, même dans nos yeux, ça se voit. Vivement qu'on tourne la page pour laisser les cons. Sans voix, mais je parle pas pour moi. On est des millions dans ce cas qui encule l'État. Puis après mes pierres à l'âme, et alors saga. Saga. On rose la fessie. On rose de la fessie. Sololo sposé. Moulino ici. Jeune baby. A tous les MC. L'écoute Paris. On est. Je sais pas la cam, on mérite mieux. J'ai vu des gratuits, des l'état me classe sur les aspects. Là y'a ma 200 000 francs et je serai malé. Criquer, criquer, que la lune on est dans les escaliers qui les rend un différent. Quand c'est pas le petit refrain, des morts et des morts. Pour la conscience, mais oui, ils s'en foutent. Quand t'es dans le vice, pas trop mort, tu m'en fous, t'écoutes. Pour le prix que ça coûte, ils en proposent même au scout. Et quand ils se font sauter au scout ou en prison, le shoot. Le genre de dealer qui stoppe tout quand le petit frère se shoot. Et ça se passe mal ou au cimetière termine sa route. La cam est dangereuse, même pour tes proches, plus tu vas te paquer, plus la mort se rapproche. Oh, proche ou raccroché, à toi de décider. Dieu est grand, moi je suis fauché, je peux pas décéder. D'une balle lâchée par un de la clame obsédé. Je m'en faire pas décéder, rien ne me fera céder. Tout ça doit cesser, je veux plus la cesser. Sans être blessé, blessé tes proches, le crime paie, mais pas tu l'as pu fait chier. Tu pétais la forme, maintenant ton zen, tes membres pétés sans dents. Tu perds ton poids et t'es hors norme. On va dire à tes parents, votre enfant est dans la clame. Non. Toi alors, je sais que c'est pas mon job, je t'en dis que bonne marée. C'est pour les pauvres et trop bas pour les snobs, tu sais pas se marrer. Saga. Ouais. C'est saga. Ouais. C'est saga. Ah, ouais. C'est saga. Yo. Yo, yo, un jour viendra où le vrai hip-hop fera surface en masse. Tous les rappeurs en undercover auront beaucoup de classe. Certains diront y'a pas le feu, il faut bien suivre la cadence. Ils surpassent, alors nique ça, il faut bien que j'avance. C'est un flino, mauvaise que je m'applique pour mes doyens, t'as mal et calme-moi. Une dédicace, fort, je porte la poisse au but d'un enfoiré de fois psy. Je te défonce comme un sexy, le micro en main, je deviens très précis. Je vis dans la rue, mon rap vient de la rue. Au mic, je nique les intrus, et tu rap putain d'instru. En plus, je suis un pur casse, y'a de l'aide, dédicace à tous mes frères. Toujours dans la merde, où t'entraides, ressentir cette galère. Les nerfs montent, à un moment donné c'est sur mes cartes d'espoir. Faut y croire, un jour viendra nos sites. On aura le pouvoir, j'analyse, je comprends, j'observe et j'actionne. Quand il s'agit de rap et de rap, je mets la dose au maximum. Original MC comme Kerry, y'a plus de hip-hop junkie. Microphone aiguisé, des tickets ouvrés. Et au monde qui, j'évolue, je progresse, j'améliore mes compétences. Je m'indigance sans cesse, mais j'ai quand même des préférences. Je fais que d'écrire des lyrics, des putains de têtes explicites. Mauvaise langue, mon ventre représente, je lâche pas l'affaire, j'insiste. Le mic, je déclencherai une révolution. On en a marre de la merde, putain, je suis pour l'évolution. C'est saga. C'est saga. C'est saga. C'est saga. C'est saga. C'est saga. C'est saga. C'est saga. Sur Skyrock. Nocturne. Rapper, ne jamais s'arrêter de rapper. Un seul Phoenixi, il faut 40 Phoenix. Oh, un seul Phoenixi, non plus, c'est pas Phoenixi. Non, si, où le boy t'es dead, pas la peine de pomper dans le smile. Ça fait des heures, t'écoutes, mais nos vibes sont trop original. Désolé, si je te baisse, pas que je te le dis, je crois que t'as du mal. On n'est pas dans la même voiture, on n'a pas la même style au final. C'est le groupe au top niveau, ouais. Nigos et rivaux, niveau, Ghana, Vélavo. L'onté de bien faire nous ce qu'il nous faut. C'est dégager l'ancien pour faire que du nouveau. Ah. Parce que les gens font tout faux, ça commence à bien faire. Toi-même tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous en prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous en prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous en prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous en prochain épisode. Non, c'est... Hey Bob, si un obstacle, j'ôte mon Bob. Bob, lèche mes babiques. Je snob tous ces nabos. Y'en a beaucoup, j'ai beau vouloir les faire. J'ai voulu les faire glisser comme au snowboard. C'est le bordel, à tout bord. Comme à bâbord, vie se noter là. Pour un ha-ha-ha-ha. J'ai un chemin pour éviter des ennemis qui ont le ha ha ha. J-O-H-N-S-O-N-O-M-I-C-R-O-P-H-O-N-E-D Méga T-O-N-N-E-S-S-O-N-S Brinterson S-T-O-N-E-S. Il se casse les coches, il a l'âme des yoches. Il est coché, c'est hoché, c'est dame et les bougres comme des rochers. Ferrero, comme Benno Gino, je prends jusqu'à Tokyo. Même si Bino redonne plus d'autres, c'est ton Pinocchio. Toi-même tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous en prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous en prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous en prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous en prochain épisode. La méthode, on l'a nettement. Concrètement, c'est du bon son que l'on crée secrètement. J'y laisse pas honnêtement. C'est sévèrement les bonnes vibes tout bêtement. Personnellement, le bon fonctionnement requiert de ma part le bon rayonnement. Parfois, je m'adresse à Specta. Faut bien me couper ce que les médias dressent, respecta. Des groupes qu'aurais dû rester specta. Même si tes parents kiffent tes codes, ils m'en foutent, le saiyan de specta. Relève la tête, fallait pas nous défier. Fallait pas te défiler, man, c'est des rôles sur le mic avec des lyrics bien affûtés. Pas la peine de l'éviter, c'est la même chose depuis qu'on éteint la méthode, ils veulent nous la voler. Ça n'est pas de mal à j'ai la force adéquate pour lutter. Ya, yeah, ya, yeah. Phoenix, si, aka, Dacho. La méthode, Joe, j'en ai plus. T'en réserve que le reste, pas Joe. Tu nous fais tirer, tu t'essayes, car tu m'ennuies, tes textes. Tu verras pas, on dirait que tu es chié, pis. Toi-même, tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous en prochain épisode. Toi-même, tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous en prochain épisode. Toi-même, tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous en prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode. C'est la fin de la nocturne 100% rap français avec cette session classique extrait de KLR. Marie était là. Ah bah toujours avec le Fédou. NBO était là. Ouais, c'était là. Dada, ouais. Olivia était là. Vanessa aussi. Ah, le RM. Il y avait Fab qui était là. Fabienne aussi qui était dans le coin. Fabienne, oh le pauvre. On a perdu en route. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. La nocturne, c'est fini. 2h du mat. Prochain rencard avec Planète Rap la semaine prochaine. Prochaine nocturne dans une semaine. Courage à ceux qui révisent. Là, je vois tous les messages. Vous continuez. 41 7 5 9. Mais il est grand temps, grand temps de baisser le store de cette nocturne. Passez une bonne nuit. L'événement, on l'a appris aujourd'hui sur Skyrock. Jay-Z et Beyoncé en concert. Ce sera les 12 et 13 septembre prochains au Stade de France. Deux dates uniques, deux dates seulement en Europe et au Stade de France à Paris. Bientôt des places à choper en écoutant Skyrock. Et allez voir aussi Jay-Z et Beyoncé. Ce sera chez D-Fool, 6h-9h, dès lundi matin avec des places pour partir directement à Miami pour aller les voir. Ciao, bonne nuit. Skyrock.